Vous avez pensé à tout. Envoyer l'email à votre boss, récupérer les enfants à l'école, acheter le pain. Vous maîtrisez absolument, parfaitement, totalement la situation. Et puis, soudain, elle vous demande « Tu as pensé à commander du café ?» Découvrez l'abonnement Nespresso. Choisissez votre forfait café Nespresso et profitez d'une machine à 1 euro. Nespresso. What else? What else? Quoi d'autre? Offre valable en France métropolitaine sous réserve d'un engagement de 12 mois, voire modalité complète sur Nespresso.com. Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'affaire Saint-Aubin, ou l'étrange accident de la Nationale 7. Le 5 juillet 1964, la Volvo du jeune Jean-Claude Saint-Aubin a fait une sortie de route à côté de Fréjus. La voiture s'enroule autour d'un platane, elle est broyée. Vu la violence du choc, le conducteur et sa passagère ne survivent pas. 193 000 accidents et 14 000 morts sur la route en 64, c'est 4 fois plus qu'aujourd'hui, mais c'est le tarif à cette époque. Alors, la gendarmerie de Fréjus ajoute, quasi mécaniquement, deux jeunes gens à la sinistre liste. Pour eux, en effet, c'est un accident dû à un excès de vitesse. C'est dramatique, mais c'est tristement banal. Point. Mais chez les Saint-Aubin, on n'est pas de cet avis. Jusqu'à leur mort, 30 et 40 ans plus tard, les parents du conducteur vont se battre pour que la vérité éclate. Parce que les Saint-Aubin en sont certains. L'accident n'est pas dû à une erreur de conduite de leur fils, mais à un événement bien plus intrigant. C'est l'armée française qui est responsable. Oui, elle a assassiné leur fils par mégarde à la place d'un membre de l'OS qui préparait un attentat contre le général de Gaulle. Rien que ça. Ni les gendarmes, ni la justice ne veulent les entendre, qu'à cela ne tienne. Les Saint-Aubin mèneront l'enquête eux-mêmes et prouveront l'hypothèse de la bavure mortelle. Mais à quel prix? 4 décennies de calvaire judiciaire, 40 ans d'abnégation contre un adversaire de taille, la raison d'État. Notre invité aujourd'hui, le journaliste et grand reporter Jacques Revon, qui a couvert cette affaire. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Romain Weber, coordination Christophe Barrère, réalisation Sonia Leglen. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. J'accuse aujourd'hui devant la télévision tous les magistrats qui ont eu à connaître cette affaire. Et qu'avec tous les documents qu'ils ont eu en leur possession, ont refusé de faire la lumière et la vérité par ordre. Et un ordre qui venait certainement de très haut. Et qui a suivi tout au long de ces années, pendant 20 ans, auxquelles nous nous battons. Et que nous continuerons à nous battre. La femme qu'on entend, c'est André Saint-Aubin, la mère de Jean-Claude. Nous sommes en 1984, la publication du rapport de l'inspection générale des services judiciaires est imminente. C'est Robert Badinter lui-même, le garde des Sceaux, qui a demandé à ce que la lumière soit faite sur l'étrange accident de voiture de Jean-Claude Saint-Aubin. Ce rapport, la famille l'attend depuis 3 ans et demi. 3 ans et demi que les esprits sont agités tour à tour par l'inquiétude et par l'espoir. Parce que ce document pourrait bien marquer la fin de l'affaire Saint-Aubin. Et quand il est publié, début 85, c'est la gorge nouée que les Saint-Aubin se rendent au ministère de la Justice pour le consulter. Alain Baquet, le directeur de cabinet de Badinter, les accueille dans son bureau. En leur tendant un exemplaire du rapport, il leur glisse. C'est une affaire sans précédent. Le rapport pèse en effet 240 pages pour un accident de voiture. C'est volumineux. Mais c'est la fin qui intéresse André. Tout le reste, elle connaît par cœur. Il y a une section, page 225, à laquelle on a donné un nom de roman policier, La vérité sur l'affaire Saint-Aubin. André cherche la page et lit les dernières lignes. Le dérapage de la voiture de Jean-Claude Saint-Aubin suppose, dans les conditions où il s'est produit, un brusque coup de volant à gauche provoqué par un obstacle imprévu. La recherche objective de la vérité débouche donc sur la participation d'un véhicule militaire. André se jette dans les bras de son mari. Enfin, l'État reconnaît ce qu'il s'acharne à nier depuis tant d'années. le fils Saint-Aubin n'est pas coupable de l'accident de voiture qui lui a coûté la vie, ainsi qu'à sa passagère, mais il aura fallu 20 ans, 2 décennies de peines et d'efforts, de faux témoignages, d'archives envolées, de témoins disparus, peut-être même assassinés. Le combat n'est pas terminé, mais les Saint-Aubin peuvent espérer, et ce n'est pas rien. Revenons aux faits. Ils remontent à juillet 64. À l'époque, les Saint-Aubin sont bien connus à Dijon. Ils tiennent la bijouterie du 6, place Grangier, parmi les autres boutiques de luxe. Les parents, André et Jean, ont 3 garçons. L'aîné, Jean-Claude, né en 1941, il a 23 ans, suivent François et Philippe. L'été, la famille a ses habitudes dans le Var, dans un domaine près de Fréjus. Elle y installe une caravane et passe juillet au soleil, à se promener dans le pays varois, à faire des excursions à Saint-Raphaël et souvent à ne rien faire du tout. Le départ en vacances est fixé au samedi 4 juillet, à 20h. 3 voitures sont au départ de Dijon. Jean-Claude conduit une Volvo immatriculée en Suisse parce qu'il habite à Genève. Les parents ont une belle Chrysler et François une Opel. Jean-Claude lui aura la compagnie. Il prend la route avec Dominique Kedache, 16 ans, ami de la famille qui descend elle aussi dans le sud. Le trajet se déroule surtout de nuit et il faut être prudent d'ailleurs. La télévision avertit les conducteurs. Ensoleillée, anonyme, heureuse, une route de juillet. Une route calme qui conduit aux vacances, sur laquelle rien apparemment ne menace les familles qui l'empruntent. Quelques kilomètres encore et ce sera l'oxygénation bénéfique, la détente salutaire, le havre tant espéré des congés payés. Et pourtant sur cette route se dresse omniprésent le spectre de l'accident. Une seconde d'inattention, une fraction de malchance et c'est le drame. La Chrysler et l'Opel arrivent en premier vers 7h15. Jean-Claude, lui, n'est pas encore là. Bon, admettons, il a roulé lentement. Mais à 9h, il s'est fait toujours attendre. Et à la place de la Volvo, c'est une 2 chevaux qui se gare sur leur terrain. C'est la voiture du gardien du domaine. Et celui-ci est porteur d'une nouvelle épouvantable. Il y a eu un accident. Jean-Claude Saint-Aubin et Dominique Kedache sont morts. Route nationale 7, lieu dit Les Esclapes, avant Fréjus. La Volvo a heurté un platane vers 7h du matin ce dimanche 5 juillet. Le choc a tué les 2 jeunes gens. Les Saint-Aubin sont bouleversés. Pour la gendarmerie, c'est encore un accident dans le virage maudit, comme on l'appelle dans le coin. Le rapport des gendarmes accable Jean-Claude. Des témoins ont noté sa conduite très imprudente. Il dépassait sûrement les 90 sur cette portion limitée à 50. Alors, il a dû perdre le contrôle sur un dos d'âne, mal négocier le virage et percuter le platane 80 mètres plus loin. Mais comment croire que Jean-Claude est responsable? Sa famille le sait, il était si bon conducteur. Passionné de mécanique, il travaillait depuis 1 an au garage Jaguar à Genève. Et puis, il a fait le rallye de Bourgogne cette année. Le raisonnement a ses limites, certes, mais pas pour les parents du jeune homme qui, comment dire, sentent quelque chose d'anormal. Alors ils se rendent sur le lieu d'accident. L'écorce du platane est arrachée sur 1 mètre de hauteur. Ils peignent 2 croix noires sur le tronc blanchi. Car c'est ici, donc ici, que leur fils est mort. Mais c'est étrange, ce n'est pas 80 mètres du virage, comme le dit la gendarmerie. Non. Il y en a bien 200 entre la courbe et l'arbre percuté. Jean-Claude avait donc tout le temps de reprendre le contrôle. Et si c'était la seule erreur du rapport de gendarmerie, il y en a d'autres. Enfin, des erreurs, des mensonges peut-être. André Saint-Aubin penche pour la deuxième solution. Madame Saint-Aubin, à partir de quel moment avez-vous commencé à douter de la thèse officielle de l'accident ? Dès le début. Dès le départ. Pour la bonne et simple raison, déjà la position de la voiture. Ensuite de ça, la contradiction de tous les témoins, enfin, les personnes qui sont arrivées dès que l'accident était survenu. On a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Les parents Saint-Aubin ont désormais deux vies. Dans la journée, ils maintiennent toujours impeccables leur bijouterie de luxe. Mais quand le soir arrive et qu'ils ferment boutique, ils se plongent sans relâche dans une méticuleuse contre-enquête. D'ailleurs, il paraît qu'un témoin qui travaillait non loin de là a tout vu. Oui, il aurait dit que l'accident n'était pas de la faute du conducteur, mais d'un camion militaire. Une information qui relance l'enquête de la gendarmerie. Effectivement, une camionnette Renault Bachet a circulé à l'heure de l'accident avec deux militaires à l'avant et trois à l'arrière. Les hommes à l'avant, que les gendarmes retrouvent, ont bien vu la Volvo accidentée. Ils sont passés devant à 7h10, puis de nouveau à 7h15 dans l'autre sens et ils ont vu la gendarmerie sur les lieux. Bizarre. À 7h15, les gendarmes n'étaient pas là. Eh non, puisqu'ils sont arrivés, ou plutôt à 7h40. Correction des militaires, en fait, ils ne sont passés qu'à 7h25 et ils n'ont vu personne. Ah bon ? Version très différente de la première qu'ils ont donnée aux gendarmes. Mais les témoins n'auront pas le temps de s'expliquer. Ils sont renvoyés dans leur pays d'origine, en Afrique, 3 jours après avoir livré leur deuxième déposition. Et les trois hommes à l'arrière, qui sont-ils ? La camionnette se dirigeait vers un poste où les entrants et les sortants sont répertoriés et tous les registres ont été conservés. Oui, tous. Sauf celui du dimanche 5 juillet 1964. Disparu. Les Saint-Aubin n'ont plus le choix. Ils doivent absolument retrouver le témoin de l'accident. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? To call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Open your heart, I'm coming home. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Ce témoin, les Saint-Aubin finissent par le rencontrer. Un an plus tard, à l'été 65, il s'agit d'un certain Mohamed Moualka. c'est un harki, et il travaillait effectivement à l'usine de parpaing, là, à une centaine de mètres de l'accident. Et ce dimanche-là, il se rendait à pied au travail. Il était donc là, à une dizaine de mètres, quand l'accident s'est produit. Et voici ce qu'il a vu. Une camionnette militaire stationnée sur le bas-côté. Alors que la Volvo arrivait, elle a démarré et lui a barré la route. La voiture a braqué à gauche, a percuté le platane et la camionnette a poursuivi sans s'arrêter. Elle était accompagnée d'une 203 noire avec un insigne sur la plaque. Peut-être un drapeau français, comme une voiture de l'administration. Mais pour les gendarmes, Mwalka est un affabulateur. Les employés notent leur heure d'arrivée à l'entrée de l'usine. Le 5 juillet, Mwalka est arrivé à 5 heures du matin. Au moment de l'accident, il travaillait. Il a donc menti. Les Saint-Aubin, eux, croient à la version Mwalka. Ils se rendent à l'usine. Et là, stupeur, le registre a été truqué. Et grossièrement, en plus. Oui, il y a une surcharge sur l'heure d'arrivée. Le 5 a été ajouté a posteriori, donnant une heure différente. Et de toute façon, l'usine n'ouvre qu'à 7 heures le dimanche. Autant de bonnes raisons pour les Saint-Aubin de se méfier de la gendarmerie. Ils préfèrent montrer le registre à un huissier qui reconnaît immédiatement la supercherie. Une de plus. Ça commence à faire beaucoup. Il y a quelque chose de plus grave à cacher qu'un simple accident provoqué par un camion militaire. Alors quoi? Un assassinat? La mécanique du complot est amorcée. Le JT de France 2 y revient en 1992. Le 5 juillet 1964, à 7h du matin, Jean-Claude Saint-Aubin se tue au volant d'une Volvo près de Fréjus. Sa famille ne croit pas à un simple accident de la route. Les époux Saint-Aubin ont l'intime conviction que leur fils a été victime d'un attentat. Attentat qui, selon eux, vise une autre personne. C'est l'époque de la lutte entre services secrets et OAS. Et c'est bien vers l'OAS que les Saint-Aubin vont se tourner. L'affaire est classée en novembre 66, mais André et Jean sont déterminés. Si la justice refuse de les entendre, ils mèneront l'enquête par des voies parallèles. Début 67, un homme entre dans la bijouterie des Saint-Aubin. Il s'appelle Bouvet. C'est un ancien de la sécurité militaire, reconverti en détective. Il peut aider, moyennant paiement. Mais rien n'est trop cher pour connaître la vérité. Bouvet est donc embauché. En réalité, il ne sert pas à grand-chose. Cet homme est un escroc qui gagne de l'argent sur le malheur d'une famille endeuillée. Au bout de 6 mois, les Saint-Aubin le prient donc d'aller voir ailleurs. En claquant la porte, Bouvet lâche, excédé. De toute façon, vous ne saurez jamais rien. Votre histoire, c'est une affaire de barbouze. Barbouze. Le mot est lâché. Les Saint-Aubin ne savent pas ce qu'il veut dire. Mais ils ne tardent pas à comprendre. Il y a là quelque chose qui a à voir avec les services secrets, la guerre d'Algérie et la lutte contre l'OAS. Effectivement, retour en 64. L'Algérie est indépendante depuis 2 ans. Les irréductibles de l'Algérie française ont constitué un groupuscule qui demande réparation à coups de plastique. C'est l'organisation de l'armée secrète. 2 ans après l'attentat raté du Puy de la Mare, les membres de l'OAS sont arrêtés les uns après les autres. Pour eux, l'année 64 est celle du baroud d'honneur. Oui, nous vivons des jours assez tendus et la route est assez difficile. Ils sont évidemment pour beaucoup les troubles suscités par des agitateurs qu'il faut réduire et châtier. J'ai pris quand il le fallait, et au besoin je prendrai encore les mesures exceptionnelles nécessaires. Des mesures exceptionnelles, annonce le général, et des méthodes parfois floues. La sécurité militaire, service de renseignement de l'armée, prend en chasse les membres de l'OAS suspectés de planifier des attentats. Et le bruit court que cette sécurité militaire est épaulée par des forces semi-clandestines, des barbouzes, qui accomplissent des missions illégales, enlèvements et assassinats compris. Tout cela est-il vrai? Quoi qu'il en soit, ces rumeurs circulent et elles alimentent la thèse des Saint-Aubin. D'ailleurs, ceci apprenne une nouvelle importante. La tentative d'attentat de l'OAS le 15 août 64 à 100 km de Fréjus au Mont-Faron, près d'un mois après l'accident de leur fils, effectivement c'est troublant. Le général de Gaulle inaugurait le mémorial du débarquement de Provence et une jarre piégée qui n'a pas fonctionné devait exploser à son passage. La conspiration a été organisée depuis Genève, où des membres de l'OAS sont en exil. Et les axes routiers qui relient cette ville au Mont-Faron passent par Fréjus. Alors, Jean-Claude aurait-il été la cible d'une opération ponctuelle de la sécurité militaire ? Ce n'est pas sérieux, Jean-Claude n'avait rien à voir avec l'OS. Mais se pourrait-il qu'on l'ait éliminé à la place de quelqu'un d'autre ? L'idée invraisemblable germe dans les esprits des Saint-Aubin. En septembre 69, l'affaire Deveau, dossier criminel retentissant, est jugée à Dijon. Toute la presse est au rendez-vous. Pour les Saint-Aubin, c'est une chance formidable d'interpeller les journalistes sur leur cas. Après une conférence de presse improvisée, l'Est Républicain et l'Aurore publient des articles sur leur affaire. Et voici ce qu'écrit le journaliste de l'Est Républicain le 24 novembre 1969. J'avoue qu'au début, je fus un peu décontenancé. Les Saint-Aubin nous noyaient de détails tellement extraordinaires qu'on eût dit les scénaristes d'un film policier en train d'en proposer la trame à un producteur. Et puis, lentement, l'éventualité d'une formidable machination prit corps. Je ne dis pas qu'elle est certaine, je dis qu'elle est possible. On en a vu d'autres. Que ce soit clair, il n'existe aucune preuve d'une opération des services secrets qui se serait trompée de cible. Les Saint-Aubin construisent cette théorie sur de simples intuitions. Mais l'affaire est intrigante et fait vendre du papier. Les journaux qui racontent ce fait divers par le menu trouvent lecteurs. Et parmi eux, un certain Jacques Bordier. C'est un membre de l'OS en exil en Allemagne. Il prend contact avec les Saint-Aubin, qu'il le retrouve et il leur donnera le nom d'un homme qui connaît tous les secrets de l'OS. Les Saint-Aubin rencontrent ce Bordier à Fribourg. Personnage inquiétant qui, de plus, se sent épié. Et c'est à voix basse, dans un restaurant, après que le serveur s'est éloigné, qu'il leur donne le nom d'un homme, un certain Méningo, qui habite Genève. Si leur fils a été tué par mégarde dans la lutte anti-OAS, Méningo le saura. Les Saint-Aubin portent cette nouvelle jusqu'au ministre de la Justice, René Pleven, à qui ils demandent une audience. 15 jours plus tard, ils reçoivent la réponse « refusé ». 2 ans plus tard, ce qui reste de la Volvo de Jean-Claude est dans un garage depuis 17 ans. Et voilà que le garage en question réclame la note à la famille. Pour peu élégante que soit la démarche, elle est une aubaine pour les Saint-Aubin. Ils iront devant le tribunal et demanderont à l'État de payer à leur place en tant que responsable de l'accident. De cette façon, ils pourront se faire entendre. Bien vu, l'enquête est rouverte. Et en 1973, 9 ans après les faits, Mohamed Moualkia est entendu pour la première fois par la justice. Et ce n'est plus la presse locale qui porte sa voix, mais le Canard Enchaîné, Le Monde, Le Figaro et même le premier secrétaire du Parti Socialiste, François Mitterrand, qui reçoit les Saint-Aubin. Il évoque cet épisode en 1978 dans son livre « L'abeille et l'architecte ». J'ai devant moi les parents de ce garçon tué avec sa passagère. Ils ont le regard usé de ceux qui ont trop attendu. Depuis 10 ans, ils cherchent une vérité qu'on leur refuse. Je ne sais pas encore s'ils ont tort, s'ils ont raison. Je les vois cependant tels qu'ils sont, désespérés de n'y rien comprendre ou de trop bien comprendre. Les parents Saint-Aubin, déboutés, errent de tribunal en tribunal. La justice n'est pas curieuse. La vérité a-t-elle besoin de tant mentir pour être vraie ? Malgré ces mots puissants de François Mitterrand et d'autres voix, les Saint-Aubin ne parviennent pas à faire condamner l'État. Ils doivent continuer l'enquête de leur côté. Ils retrouvent la trace du dénommé Méningo. C'est un avocat, royaliste, grand nostalgique de l'Algérie française, il était le trésorier de l'OAS. À peine les Saint-Aubin sont-ils entrés dans son bureau à Genève que Méningo bondit. C'était lui, il en est sûr. Oui, c'était lui qui était visé par l'attentat qui a coûté la vie à leur fils. car lui aussi conduisait une Volvo, elle aussi immatriculée en Suisse, et avec une plaque presque identique à celle de Jean-Claude. Comble de la coïncidence, Méningo devait passer sur la même route le dimanche 5 juillet 1964. Alors maintenant, c'est certain, les services secrets lui ont tendu un guet-apens et se sont trompés de voiture. Ce qui rime en l'occurrence avec bavure. Immédiatement, les Saint-Aubin retournent aux esclaves et inscrivent sur le platane « Affaire Saint-Aubin, ici deux tués par méprise, crime camouflé, étouffé par les gendarmes et les magistrats du lieu, lâche et servile. » Les Saint-Aubin ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Ils se sont engagés dans une piste avec un postulat bancal, mais ils ont trouvé au bout du chemin un homme qui leur a dit ce qu'ils voulaient entendre. La question qui se pose est donc la suivante. Les Saint-Aubin sont-ils sur la piste de la vérité ou bien le chagrin leur a-t-il fait perdre tout discernement? En 1979, la justice fait son opinion. Les Saint-Aubin s'acharnent depuis 15 ans sur des histoires de camions militaires, d'attentats manqués et d'OAS. Le juge de Draguignan considère qu'ils sont en état de démence et donc irresponsables. D'où l'indignation de la star de la chronique judiciaire de l'époque, Frédéric Potcher. Il se trouve que je connais monsieur et madame Saint-Aubin. Je les connais depuis 1964, depuis l'époque où leur fils est mort dans les conditions que l'on devine. Bon. Et je les ai vus plusieurs fois, et puis madame Saint-Aubin et monsieur sont venus me voir ici, mais nous nous trouvons maintenant. Moi, je ne peux pas croire que ces gens-là soient fous. La justice, on le sait bien, a pour mission de rechercher la vérité. Eh bien, dans l'affaire Saint-Aubin, oui ou non veut-on rechercher la vérité? 1981, la vérité pourrait bien surgir de l'élection de François Mitterrand. Robert Badinter est ministre de la Justice depuis peu et il charge son conseiller technique, le juge Hubert Dujardin, d'une mission bien particulière. Précision du juge. J'ai été conseiller technique de M. Badinter de 81 à 83 et chargé plus particulièrement des affaires criminelles. À ce titre, M. Badinter m'avait demandé de prendre connaissance d'un certain nombre de dossiers. Il y avait les affaires Movilac, Nobel Peace et d'autres qui demandaient la révision de leur procès. Il y a eu aussi l'affaire Saint-Aubin. J'avais pour réflexe à cette époque de demander communication au parquet concerné des dossiers eux-mêmes. Et c'est ce que j'ai fait pour l'affaire Saint-Aubin. Et il m'a été répondu, après quelques recherches, que ce dossier avait été égaré. Égaré. En 81, il n'y a donc plus aucune trace ni du dossier de l'affaire Saint-Aubin, ni de sa copie. Il a été perdu entre Dijon, Aix et Draguignan. Le document devait peser un certain poids, mais il s'est envolé. C'est que vraiment, il devait s'envoler. Robert Badinter ordonne donc la reprise de l'enquête. Victoire pour les Saint-Aubin. Près de 20 ans après l'accident, on les écoute enfin. On écoute aussi Moualkia, le témoin principal. On met le doigt sur les incohérences de la première enquête. On fait même une reconstitution de l'accident. L'affaire touche au but et TF1 veut en faire un reportage de 15 minutes. Finalement, ce sera un film d'une heure. Cette émission sera le témoin de la plus grande des bizarreries de l'affaire Saint-Aubin, la plus regrettable également. La bijouterie des parents Saint-Aubin est transformée en studio télé. Les caméras imposantes occupent l'espace et les câbles courent le long des présentoirs clinquants. On retrouve les gendarmes, on tourne à Fréjus, on tourne à Dijon, on demande même à un cascadeur de reproduire l'accident. Et l'équipe de télévision prend contact avec Mohamed Moualkia. Une date est fixée pour la rencontre avec ce témoin, le témoin clé de cette affaire, ce sera le 25 novembre 84. Mais l'entretien n'aura pas lieu. Moualkia est retrouvé mort 3 jours avant, le 22 novembre. Pleine de délicatesse, l'équipe de télé apprend la nouvelle à André Saint-Aubin devant la caméra en direct. Non, c'est pas vrai. C'est madame qui est mort. Eh bien, je crois qu'on n'aura jamais vu une affaire comme ça en France. Parce que c'est un homme qui a eu le courage et l'honnêteté de dire ce qu'il a vu. Oh non, c'est pas possible. Version officielle, Mohamed Moualkia est mort dans l'incendie de son appartement. il se serait endormi avec une cigarette allumée. Mwalka ne fumait pas. Et il n'est plus en vie quand le rapport demandé par Badinter est publié. 21 ans après la mort de Jean-Claude Saint-Aubin, l'État reconnaît tout de même la responsabilité de la camionnette militaire. Mais pour les Saint-Aubin, le soulagement est de courte durée. En effet, le rapport exclut la thèse de l'assassinat par erreur de la sécurité militaire. Colère d'André Saint-Aubin, toujours et encore. L'inspection générale des services judiciaires au plus haut niveau a reconnu, après une reconstitution au bout de 19 ans, qu'effectivement il y avait bien un camion militaire qui a participé à, disons, l'accident entre guillemets de mon fils, qui a pris la fuite, suivi d'une 203 noire avec une marque bleue, blanc, rouge et une flamme. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'il y ait eu règlement de compte. Ah ben si, obligatoirement, parce que lorsque vous avez un véhicule militaire qui coupe la route, je dis bien qui coupe la route au moment où arrive mon fils et qui prend la fuite, en aucun cas ça ne peut être un accident. En 89, le juge Dujardin demande au médiateur de la République d'arbitrer le litige entre les Saint-Aubin et l'État. Le résultat de la médiation sort en septembre 1990. Il est temps de mettre fin au chemin de croix judiciaire des Saint-Aubin. FR3 Côte d'Azur annonce la nouvelle le 12 septembre 1990. Il aura fallu 26 ans à la justice pour réparer une erreur. Rappelez-vous, c'était le 5 juillet 1964, sur une route près de Fréjus. Jean-Claude Saint-Aubin et son ami circulaient dans leur voiture, un accident se produisait, les deux jeunes gens étaient tués. Aujourd'hui, ses parents viennent d'obtenir réparation morale, un médiateur leur a attribué 500 000 francs de dommages et intérêts, alors que durant 20 ans, on avait tenté de les faire passer pour fous. Les Saint-Aubin sont donc dédommagés pour dysfonctionnement de la justice, après 26 ans de parcours de combattant pour connaître la vérité. Le 3 avril 1992, le juge Dujardin appelle la bijouterie des Saint-Aubin. Il apporte une nouvelle de la plus haute importance. Il se trouvait à un dîner officiel la veille au soir, et une conversation avec le lieutenant-colonel Guyard a éveillé sa curiosité. Le militaire lui a fait d'étonnantes révélations sur l'affaire Saint-Aubin. Le magistrat évoque cet épisode sur France 2. Il m'a expliqué que, étant conseiller technique au cabinet du ministre de la Défense, il avait pris connaissance du dossier détenu par ce ministère et qu'il avait constaté qu'il y avait eu accident volontaire et qu'il y avait simplement eu erreur sur la personne du conducteur. J'ai conclu que personnellement je m'étais trompé et que, encore une fois, de la part d'un service dont j'ignore l'identité, il y avait eu accident volontaire provoqué dans le but d'éliminer une personne. Pour le juge Dujardin, la version de l'accident involontaire est la seule crédible. Il n'avait jamais cru à l'opération anti-OS. Et voilà qu'après une rencontre fortuite autour d'un dîner, le magistrat est convaincu que Jean-Claude a été tué par erreur. Non, il a du mal comprendre, répond le lieutenant-colonel Guyard. Ce n'était que mon opinion et je ne me fondais sur rien d'officiel, rectifie le militaire. Alors, doit-on y voir la réaction de quelqu'un qui s'est mal fait comprendre ou la réponse d'un militaire qui sait qu'il a mis le doigt dans un dangereux engrenage? La raison d'État l'a-t-elle emporté sur la justice? Aujourd'hui, sur ce point, nous n'en savons pas plus qu'en 1992. d'un vrai motif. Le mensonge, le mensonge, le mensonge. Le mensonge, le mensonge, le mensonge. L'inconscience s'échappe. Mais combien t'ont trahi? Pardonné ou te rend? Il faut partir d'ici. Tomorrow. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Saint-Aubin, notre invité en direct des studios de France Bleu Bourgogne à Dijon. Jacques Revon, bonjour. Oui, bonjour Fabrice Drouel. Journaliste et grand reporter, vous avez travaillé de 1984 à 2008 à France 3 Bourgogne. Vous vous êtes impliqué professionnellement et personnellement, je crois, dans l'affaire Saint-Aubin pendant plus de 15 ans. D'abord, comment avez-vous découvert cette histoire? Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? On était là devant un scénario, disons, étrange. Ah tout à fait. Enfin, c'est très simple en fait. En 1986, quand j'arrive à Dijon, en provenance de Lyon, je connaissais déjà un peu l'affaire pour l'avoir entendue à la radio, à la télévision. Et tout d'un coup, un coup de téléphone à la rédaction me demande et me dit « Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez passer me voir à la maison? J'ai des choses importantes à vous dire. » Cette personne, c'était Madame André Saint-Aubin, qui me contactait. Alors pourquoi moi, je ne sais pas. Mais enfin, je pense qu'elle avait dû regarder dans son petit écran un bonhomme qui présentait le journal régional à ce moment-là. Et donc, elle s'est dit, tiens, ce monsieur, pourquoi pas lui? Parce que je pense qu'il y avait d'autres confrères et d'autres consœurs qui étaient déjà sur le coup à ce moment-là. Et bon, elle a dû essayer de me convaincre. Et elle y est arrivée, en fait. Ah oui, ça m'a convaincu. C'est aussi un cadeau de la Providence pour un journaliste qu'on lui propose une affaire comme celle-là, tellement elle est intéressante. Aussi intéressante que dramatique. Vous êtes devenu proche des Saint-Aubin, notamment de la mère, André, et du cadet aussi, François. Pendant l'affaire, vous avez vu très régulièrement? Absolument. Je ne compte plus les coups de téléphone ni les visites à domicile. En fait, cette dame m'a fait confiance très très vite. Elle m'a confié aussi des documents, elle m'a donné des informations, elle m'a permis de contacter à droite et à gauche des personnages pour que je puisse continuer mon travail, pour que je puisse faire de l'investigation. Et petit à petit, en fait, comme vous le dites, j'ai rencontré cette famille, François en particulier, avec lequel j'ai beaucoup discuté, j'ai beaucoup échangé. Je voulais savoir surtout comment fonctionnait déjà aussi la famille. Et puis ensuite, au fur et à mesure, eh bien, Madame Saint-Aubin me parlait des coups de téléphone qu'elle recevait. Elle me parlait de toutes les journalistes qui les appelaient, enfin qui l'appelaient pour lui demander ci, demander là. Et petit à petit, moi, je me suis laissé prendre par cette histoire. Et de fil en aiguille, pendant 15 ans, j'ai passé du temps. Oui, vous avez mené une enquête effectivement approfondie, jusqu'à d'ailleurs être menacé par un inconnu au téléphone. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Racontez-nous. Alors oui, si vous voulez, je dirais que la menace est un mot un peu fort, disons que... Intimidation quand même. Voilà, ouais. C'est ça, ce que j'allais vous dire. Intimidation, en fait, à la mi-mars 93, donc je poursuis donc mes recherches de témoignages, comme vous le savez, comme tous les journalistes, afin de vérifier, de revérifier sans cesse les dires et les témoignages de mes différentes sources. C'est très important et c'est un travail tout à fait logique. Et un soir, eh bien, je téléphone, à l'époque il n'y avait pas de portable, je téléphone d'une cabine téléphonique à un interlocuteur que je ne connaissais pas, et je vais pour la première fois, justement à ce moment-là, ressentir un certain malaise à l'écoute des propos qui sont émis par mon correspondant. En fait, la personne me dit de faire attention, que ce n'est pas le moment de raviver les passions, et qu'en cette période, on est donc en mi-mars 93, eh bien l'ambiance n'est pas bonne. Nous sommes donc à peu près encore dans l'esprit des souvenirs de la guerre d'Algérie, et ça demeure toujours dans les mémoires. Et mon correspondant me précise qu'il faut faire attention à soi, et que moi aussi, je dois faire également attention. Il rajoute, les journalistes qui font leur travail, c'est vachement bien, mais que chacun fait son travail. Alors le ton de mon interlocuteur, vous l'imaginez, m'interroge. Et après ce coup de fil, je me sens donc assez, disons, troublé, pas vraiment rassuré. Et le lendemain, automatiquement, j'en parle à mon rédacteur en chef et lui demander son avis et sur ses impressions que j'avais ressenties. Et là, mon rédacteur en chef me dit tout simplement, me conseille de faire une petite pause pendant quelque temps dans mon travail d'investigation. Et alors, le fait est important, c'est que je ne vais comprendre le sens de cet échange téléphonique que quelques jours plus tard, à la lecture de deux articles du quotidien Le Monde qui sont datés à ce moment-là du 8 et 9 avril 1993. Jacques Rozeau, porte-parole du Recours France, a été tué le 5 mars 1993, soit quelques jours avant mon coup de téléphone. Il a été assassiné à Montpellier de 3 balles de calibre 11-43. En fait, en 1993, vous l'avez compris, et comme le racontent les deux articles du Monde, de terribles dissensions existaient toujours entre d'anciens membres de l'OAS, d'associations différentes, et là finalement j'ai bien compris que quelque part il se passait quelque chose. Donc c'était un règlement de compte entre anciens de l'OAS. C'est ce que racontent les articles du Monde. Oui. Ok. En 1979, la justice déclare les Saint-Aubin irresponsables. Alors là, ça a dû être le coup de massue. Comment ont-ils réagi? Étiez-vous avec eux à ce moment-là? Absolument pas. Là, j'ai pas du tout connu ce moment-là. Je suis arrivé en 86, mais je n'ai pas connu du tout ce que je sais en fait, c'est qu'ils ont. On leur a demandé une expertise psychiatrique à Dijon. Les deux psychiatres qui avaient été nommés ont refusé. On refusait car il connaissait très très bien la famille, et là, cette famille, il l'appréciait beaucoup d'ailleurs, entre parenthèses, donc ils ont refusé. Je pense que c'est un aspect assez, assez terrible de vouloir montrer que des personnes sont fous, parce que justement ils cherchent la vérité. Bien sûr. On va écouter André Saint-Aubin qui parle en 1993 de son état d'esprit à ce moment-là. Je me dis, il n'est pas possible que de souffrir comme ça, parce que c'est vraiment quand même, c'est atroce. C'est souvent, on m'appelait Madame Saint-Aubin, non, là il n'y a rien à faire, ou l'entretien vous est refusé, ou que sais-je. Alors là, j'étais effondrée au ras des pâquerettes. Hein. Mais je ne me suis jamais dit, ben tant pis, je ne vais pas pouvoir continuer, je m'arrête. Ça, jamais. Jamais baisser les bras. C'est quelque chose que j'ai en moi. Pour toute chose, même quand les enfants me disent, tiens, tu sais, le commerce, il y a ça, ça et ça, je me dis, c'est pas possible, ça. Ça n'ira pas jusque-là. Il va se passer quelque chose, c'est pas possible. Et il se passe quelque chose? Ah, oui, en général, il y a quelque chose d'imprévu qui se passe. Oui, ce qui sera le cas, effectivement. Alors moi, ce que je voudrais ajouter par rapport à ce qu'elle vient de dire, ce qui est très important, elle dit aussi, je l'ai entendu dire souvent, je ne capitulerai jamais, je veux la vérité, et un jour, la vérité éclatera. Je peux même rajouter, si vous voulez, une confidence, elle m'a dit un jour, vous savez, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui regrettera, et sur son testament, il dira, c'est moi qui ai fait le coup avec un tel ou un tel, peut-être. Mais voyez à peu près jusqu'où elle pouvait aller ce qu'elle ressentait. Quelle femme était André Saint-Aubin, que vous avez bien connue, une femme de conviction, de combat, ça paraît clair. Oui, tout à fait. Au-delà, alors, au-delà. Au-delà, c'était une femme d'abord élégante, très élégante, une belle personne, personnalité attachante, passionnée par ses recherches. C'était aussi une grand-mère infatigable. Elle recevait ses petits-enfants le mercredi pour un petit casse-croûte. En fait, elle était pugnace, elle était volontaire, elle était engagée dans son combat. Et je pense qu'il y a surtout une chose aussi qui est importante, c'est que grâce à ses moyens personnels, entièrement investis dans ses recherches, elle a pu rencontrer ici ou là les personnes chargées de la défendre et dans son très long parcours judiciaire, là où les moyens, vous le savez, sont nécessaires, même indispensables, parce que d'autres personnes entre nous n'auraient jamais pu entreprendre de telles démarches sur autant d'années. C'était impossible. C'était vraiment, c'était une dame, je dirais, c'était une grande dame, femme exceptionnelle, assoiffée de vérité. Alors François, les fils s'est beaucoup battu dans cette affaire. On va l'écouter. Il raconte aujourd'hui sa rencontre avec la famille, avec Mohamed Moualka, qui est le témoin principal de cette affaire. Bon, on a eu relativement un peu de difficultés à le retrouver. Et si vous voulez, quand on a rencontré ce monsieur, qui était perdu dans l'ODEV, il a vu ma mère, il a dit « Mais ton fils y est pour rien, ne pleure pas ». Donc moi je me suis mis à pleurer, mon père aussi, évidemment ma mère. Et là, si vous voulez, ça a été un moment effectivement très très difficile pour nous. Parce qu'il y avait une telle sincérité dans ce personnage, si vous voulez, que ça a été plus de 50 ans après, je m'en rappelle comme si c'était aujourd'hui. Jacques Revon, vous n'avez pas rencontré Mohamed Moualka, qui est mort dans des circonstances intrigantes, hein, puisqu'il est mort 3 jours avant d'être interviewé par TF1. Est-ce que vous estimez, avec le recul, que son témoignage était fiable ? Écoutez, pour rien vous cacher, j'ai retrouvé la cassette de son témoignage. D'ailleurs, elle est parue, elle a été diffusée sur France 3 à Bourgogne, à l'époque, puisque j'ai fait un reportage à ce moment-là. Et lorsque j'ai écouté cet homme sur cette cassette que j'ai retrouvée, je peux vous dire que on a difficulté à penser que c'est une histoire, quoi. On ressent vraiment dans ses propos, il faut quand même préciser que c'était un harki, donc on voit très bien qu'en plus il devait avoir une certaine gêne pour s'exprimer sur un tel sujet, et malgré cela, dans ses propos, je peux vous garantir qu'on peut pas penser que c'est impossible, on peut pas penser que c'est pas vrai, ça peut pas être une histoire racontée, il a vraiment vécu, il a vraiment, à mon avis, vu ce qui s'est passé. Et pourquoi d'ailleurs aurait-il témoigné, aurait-il menti? J'allais vous le demander aussi. Ben voilà, je vois pas pourquoi il a. Quel était l'intérêt de mentir sur une affaire comme ça? Vous imaginez, en plus, il avait un travail difficile, il travaillait dans une usine, il avait pas beaucoup de moyens, il vivait difficilement. Enfin bref, c'était quelqu'un qui n'avait aucun intérêt à raconter des histoires. Hein. La contre-enquête des Saint-Aubin mène jusqu'à un certain Méningo, donc trésorier de l'OAS, qui avait, alors c'est ça qui est extraordinaire, une Volvo similaire à celle de Jean-Claude Saint-Aubin, et qui devait passer sur la même route. À ce moment-là, bien, ce personnage était-il assez important pour que la sécurité militaire veuille l'assassiner? Écoutez, moi j'ai vous imaginez, j'ai beaucoup personnellement lu sur ce sujet, j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup regardé, et j'ai découvert un jour un ouvrage paru en 1989 qui s'appelle Le Cambreau, qui a été écrit par Guy-Pierre Jeuneuil. Ce monsieur a été le garde du corps de Jean Seberg, il a été aussi un homme près du général de Gaulle. Eh bien, ce monsieur, dans un livre qui s'appelle donc Le Cambreau, et dans le paragraphe, ou le chapitre plus exactement, qui s'appelle Les banquistes du Rhône, eh bien, tenez-vous bien, il raconte en détail, sans doute de façon romancée, bien entendu, cette opération ratée contre Méningo. Et c'est époustouflant, c'est troublant. Moi, j'ai relu plusieurs fois le texte, je l'ai fait même lire à d'autres personnes. Il raconte point par point le parcours entre Genève et le Sud, de la voiture de Méningo, qui est arrivée, selon lui, 7 minutes avant la voiture, 7 minutes après, pardon, après la voiture de Jean-Claude Saint-Aubin lors de l'accident. Imaginez quelqu'un qui vous raconte cette histoire, point par point. On est à ce moment-là en 1989. Quelque part, ça interpelle. Et je dirais que, au fur et à mesure que l'on lit cet ouvrage, on se dit, mais le monsieur, il raconte vraiment ce qui s'est passé, quoi. Oui. Et ce Jean Méningo a-t-il été entendu par la justice? Parce que c'est là l'important. Ah ça, je ne sais pas. Moi, j'ai jamais rencontré Monsieur Méningo. La famille l'a rencontré, oui, à Genève, justement. Moi, à cette époque-là, moi, j'étais pas du tout sur cette affaire. Hein. J'étais pas du tout concerné. Alors, en 97, l'affaire rebondit. D'anciens parachutistes à Toulouse disent détenir des documents qui prouvent ou qui prouveraient qu'il s'agissait effectivement d'un attentat manqué de la sécurité militaire contre ce Jean Méningo. Vous avez accompagné les Saint-Aubin en rendez-vous avec ces parachutistes. Oui, déjà, confirmez-moi ça. Ah, tout à fait. Bon. Et si vous voulez, il y avait trois personnes et j'étais le témoin, ce qu'on appelle. J'étais un ami, entre guillemets, mais j'étais le témoin de cette rencontre. Alors, comment la rencontre s'est-elle passée? Ah, écoutez, que s'est-il dit? C'est une véritable, c'est presque un vrai film policier, hein, soyons clairs, parce que quand vous vivez ça, vous vous dites, mais je suis dans un film, quoi. Donc, en fait, c'est le 15 novembre 97 que, comme vous l'avez dit, Monsieur Hainaut, qui était donc le président de l'association des anciens combattants parachutistes de Toulouse, dit à Madame Saint-Aubin qu'il veut lui montrer trois documents qu'il détienne, soi-disant, ou qui racontent, justement, cette histoire. Alors, en fait, les choses se sont passées d'une certaine manière assez particulière. En fait, ils ont pris beaucoup de soins, ils ont décidé du lieu au dernier moment. Ça s'est passé à Chalon-sur-Saône, pour être très précis, dans un café du centre-ville. Et là, dans ce café où il y a beaucoup de monde ce jour-là, puisque c'est un samedi, vous imaginez, les gens se retrouvent entre amis, etc. Le café était plein de personnes, dont trois personnes qui étaient donc trois parachutistes, ou trois anciens parachutistes, qui étaient là pour accueillir Madame Saint-Aubin et son fils François, pour leur montrer, je dis bien leur montrer les documents, mais pas les photographier, ni elle avec les documents. Ils ne pouvaient simplement que les lire, ces documents. Éventuellement, Madame André Saint-Aubin pouvait bien entendu prendre des notes écrites, mais absolument aucune photo. Et là, si vous voulez, quand je vous parle de film policier, je veux dire que les choses sont particulières, puisque lorsqu'on arrive dans ce café, il y a deux hommes qui sont dans le café, et il y en a un qui se lève pour accueillir Madame Saint-Aubin et son fils. À ce moment-là, au fur et à mesure que le temps passe, on présente d'abord un document dans une chemise, le document est mis dans une pochette plastique transparente, et au fur et à mesure que Madame Saint-Aubin et son fils lisent les documents, une fois qu'ils les ont lus, un autre homme arrive, apporte un autre document, et ainsi de suite pendant les trois documents. Et il y avait trois personnes qui se succédaient dans le café, mais sans doute une quatrième personne était à l'extérieur, puisqu'on nous a dit qu'il voulait prendre des soins pour la sécurité. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que je pense que cette histoire, elle est un peu policière, entre guillemets, parce que on vit à ce moment-là un moment assez particulier. Ça a quand même duré presque 2 heures. À un moment, d'ailleurs, à 16h, le téléphone a sonné et on nous a dit, ben voilà, c'est le moment de partir. On a fait notre mission. Maintenant, au revoir, monsieur, dame. On s'en va et on a réglé l'affaire. Donc, écoutez, ce moment-là, je m'en souviens comme si c'était mais hier. Oui. Hein. Mais qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là, vous? Qu'est-ce que je pense? Oui. Écoutez, ces documents, c'est quoi? Pourquoi cette démarche? Qu'est-ce que vous ressentez? Mais moi, je ressens simplement que je regarde. Je suis là pour observer. Je suis là pour témoigner de ce que je ressens, comme vous le dites, et comme ce que je vois quand je vois, c'est-à-dire quand je parle des parents qui regardent et qui lisent ces documents, qui prennent quelques notes, bien entendu, et qui ensuite, plus tard, vous le savez, vont les montrer aux officiels pour savoir si ce sont des vrais. On leur dira que ça sera des faux. Alors, c'était marqué en 97, hein, quand ça arrive jusqu'au cabinet de Lionel Jospin, donc à Matignon, l'entête est marquée. Ministère de la Défense, absolument. Alors qu'à l'époque c'est ministère absolument. Des Armées. Vous avez tout à fait, mais c'est exactement ça, c'est effectivement ministère de la Défense, et à l'époque on était au ministère, enfin à l'époque des faits, c'était le ministère des Armées. J'en sais quelque chose puisque j'ai fait mon service militaire en 68, donc à ce moment-là c'était encore le ministère des Armées. Donc si vous voulez, tout ça pour vous dire, mais alors après on se pose d'autres questions, on se dit des faux, d'accord. Mais défaut, qu'est-ce que ça veut dire défaut? On n'est pas, si vous voulez, eux, ils prétendaient qu'ils avaient ces documents, qu'ils avaient été retirés dans le sud de la France, dans un lieu où on archive des documents militaires. Mais donc, pardon. Après, excusez-moi de vous couper. J'ai toujours pas compris la manœuvre de cette rencontre. Ah ben écoutez, qui veut quoi, qui cherche quoi? Mais on s'est toujours posé la question, y compris avec le juge du jardin. Ah, ça m'assure. Bien sûr, le procureur du jardin, lui, il a tout essayé, parce que moi j'ai fait beaucoup de reportages à l'époque justement sur cet aspect-là. Le procureur du jardin a négocié avec Monsieur Hainaut pour lui dire, voilà, je prends sur mon dos de pouvoir vous aider à présenter ces documents à qui de droit. Monsieur Hainaut n'a jamais accepté cette proposition, et c'est bien pour ça qu'ensuite les parachutistes ont montré à Madame Saint-Aubin les documents, parce que justement, monsieur le juge du jardin, à l'époque procureur ensuite, oui, avait tout fait pour aider les parachutistes à montrer leurs documents. Il voulait absolument ne pas avoir de problème, surtout sur le plan judiciaire après. Bien, Jacques Rebon, pardonnez-moi de vous bousculer, mais l'heure tourne. Non, on va écouter une dernière archive. En fait, c'est une interview réalisée par Romain Weber. On va écouter François Saint-Aubin. Saura-t-on un jour si... le fin mot de l'histoire, tout simplement. Écoutez ce qu'il en pense. Je ne pense pas que la vérité nous soit révélée un jour. Je pense que l'affaire est réellement classée maintenant, à moins vraiment d'un miracle. Maintenant, tout peut arriver. Hein. Mais bon, vous savez, l'affaire, elle a quand même 54 ans, hein, 55 ans. Donc les gens à l'époque, s'ils étaient très jeunes, ça allait. Mais bon, voyez bien, moi j'ai 75 ans. Hein. Donc vous me direz, je suis encore en vie. Hein. J'ai encore ma tête, mais pour dire. Donc ça me semble très compliqué à mesure que les années passent et tout. Mais peut-être qu'il y a des gens qui sont encore en vie et qui savent, hein, ça c'est possible. Jacques Rebon, vous ne lisez pas dans la boule de cristal, tout comme moi, donc je vais vous demander, plutôt que vous poser la question directement, quel est votre sentiment sur ce point-là? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on saura un jour? Écoutez, vous pensez bien que je ne peux pas répondre à cette question. Oui, c'est pour ça que j'ai pris la précaution. Mais bien entendu. Mais simplement, imaginez. Moi, j'avais aussi interviewé un responsable, un ancien militaire, anonymement d'ailleurs, pour France 3, qui m'avait expliqué justement que les documents, faut quand même, et vous le savez peut-être, que les documents qui sont secret défense et défense, en fait, ne sont pas forcément classés de la même manière que les autres. Et généralement, si vous voulez, ils prévoient même qu'on devrait les archiver, qui et comment, et certains ne seraient même jamais saisis par informatique et ne seraient jamais classés. Donc ça veut dire qu'on n'aura jamais les documents. On n'aura jamais les documents. Ça paraît invraisemblable, hein, aujourd'hui. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci. Merci Jacques Rebon. Au revoir. C'est moi. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. L'affaire Saint-Aubin, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Et merci à Philippe Duclos qui était à la technique aujourd'hui.